Putain, les gars. Je suis dégoûté. Freestyle de fin. Un truc de ouf. Un truc de ouf. Comme dirait mon pote Patson, j'ai des armes, papa. Ça, c'est cadeau pour vous. Eh, hey, y'a que du lourd dans le prochain morceau, là. Que du lourd, les gars. Accrochez-vous bien. Si. Lourd. Cette façon de vivre. Zéro fan. Y'a pas de sentiment, pas d'amour, on a rien en Si. J'ai de la bonne han et je fais des petits bâtards. J'ai une bonne dame à des prix importants. Moi j'écoute rien, je traîne tard, je bosse pas avec tout bas. Froid comme à Toronto, j'ai qu'il me rend tôt ou tard. Bouge-toi et taf, voilà ce que crie mon beau-père. Mais t'inquiète, y'a maman, son fils finira en beauté. Et pas dans un hôtel, avec une pute toute crâne. Une overdose du sang, non, moi je donne tout ça. Je fume de l'intouce, crache un vide. Dans mon journal intime, sur un vide, c'est gratuit, viens faire un tour, man. C'est mon five Hollywood, le producteur c'est un punk. À moitié alcoolique, faut que de carnet d'un peu. Mes potes sur une MPC ont le talent à Mozart. J'vois pas plus que Mary Blood, tu croiseras pas à Lausanne. Putain, là c'est Monsieur Bill, le président de l'album. Et la prochaine qui arrive, c'est le petit dé impeccable V.A.L. On veut des grosses cigares, voyager comme des tziganes. On veut la tonne de Han et puis la femme à Beckham. Fils de pute, écoute ça, sort direct des câbles. C'est trop grave, mais on reste des gars braves. On est loin de respirer l'air des montagnes. J'en pose une pour les gars du mail et ceux qui vont à dame. C'est ce que Jérémy a. Nous on fuck le général. Mon esprit veut fly, on fait ça à la die. Petit, tu es bon. Hey, les mecs, t'as kiffé ce qu'il vient de faire là? Écoute son coéquipier là, tout blanc, du même groupe. Écoute bien ce qu'il fait. Ça c'est les petites chez nous, la relève. 05, 05, poteau. Ah, ouais man. C'est la merde. Partout des scoops, ça shoot, ça goûte. Tu cherches, tu trouves, reste cool. Tu verras trop, mais grand gueule pas. Les petites putes se baissent, mes bonhommes tapent. Mes polos s'encaissent, moi j'avance dans le rap. Je recherche la performance, j'évite les pièges, j'esquive les contresens, j'accentue. Joue avec les doubles sens, les syllabes. Inspiration de Gundaska, on est pillés comme des pirates. Putain, non. Hey, ces mecs là, c'est des tarés. Ah, ma parole, c'est des tarés. Hey, là c'est ficelle qu'on perfile. Ouh, putain, hey, faut m'en pas disparaître, hein, mon pote, hein. Ha ha ha, putain, ça fait plaisir, bordel. Pas un gros robuste propre, je veux pas des plans à la con. Je te donnerai le cash bolos dès qu'on verra la con. Veux la maille à Bill Gates, du Sky et des splitters. Du maille à Big Pêche, une like it, la mixtape. Moi, j'encule le monde, à sort à sa chaîne Han. Dans les tickers, ça bédave. J'ai la vitesse d'un guépard, la tristesse, ça m'aide pas. J'ai perdu la notice, je veux pas finir alcoolique. Un gros fuck à la police, ok. Putain, un putain de bon beat posé maintenant. Putain pour un putain de rappeur trop de spinné. 1, 2, 0, 5, 10, j'encule le monde. H, la menace fantôme, j'ai entendu, tu l'encules le monde. Ah putain, t'es un bon toi. 0-5, mon pote. Ouais. J'crache, roule et le soir j'm'alcoolise. Mon nom est tu m'cris mes points inscrits. Ta race à la police. J'encule le monde, ouais. J'carbure à la bonne, oui. Au bon souhait des noix ici, man. J'coule avec les Yankees. Crash, roule et le soir j'm'alcoolise. Cris mon nom et tu m'cris mes points inscrits. Ta race à la police. J'encule le monde, ma mère. J'coule avec les Yankees. Un blunt entre les gencives. Je veux que mon équipe s'en prie. C'est pas le coyote, mais le renard, monsieur Ok, moi c'est mon monde et je l'aime, donc je lui fais l'amour. Comme Bill et Billy Mike, 1, freestyle familial, 2, bonne raison au moins. Et si ce n'est plus de kiffer ce truc depuis plus de 16 ans au point où nous en sommes, c'est le poids des mots qui nous assomme. On a que nos mots comme serreurs, demande à la menace fantôme. Un désarroi, on s'accroche à la vie et à la famille. Strix, qu'on fait ça là bien et la va vite. Contemplatif, perfectionniste à la scène, soit la Lexi. Technique de pointe, Evry, le soul chimiste, c'est pour J'coumbre, Looping, Valley White, Nicky. En mode Marie Cash, Lita, Norman et Mike. Là c'est l'artiste photo, bouge la tête. Marie-Claire Schmitt, l'artiste du rap. Y'a la chaîne à palme, embrasser l'asphalte. T'as posé ma griffe, t'auras beau me graisser la patte. Au bout de l'hameçon, le flou c'est là-bas. Apparemment ils craignent que la France se laisse pousser la barbe. Pour ma part j'ai poussé la boîte. Pousser la voix pour booster la vibe. Ouais, j'viens bouffer la base pour tourner la page. Où trouver ma voix entre le gouffre et la base. Mais non, les frères du la famille. Négro, c'est le mieux. 0001 man. Si si, c'est du bon rap que ça. Vas-y, hey, montre un peu, c'est quoi le level un peu dans le secteur, même si la famille. Vas-y, monte le niveau, montre-moi comment ça se passe dans le 01. Tiens, yeah, mets la patate dans mes raps, j'écris peu en général. C'est le tract à mes coups de ça, 2008 à coups de hache. Tous gagnent dans la cour, tous grades à cause de la weed. Tous graves et l'alcool, c'est mon échappatoire. On m'a dit, j'ai pas de chance et que je m'échapperai pas. Faut que je trouve le remède, à bout de souffle, moi je me mets. Tard le soir, moi je traîne, je m'appelle Zach. Et je t'emmène faire un tour dans nos ruelles. Ma ville c'est Genève et c'est grave comme je l'aime. Ici la jeunesse elle vend la verte, elle cherche la merde. On rêve de la mer et de plein de billets de banque. La femme au corps de rêve qui ne parle pas bêtement. Et voilà, c'est purée. Je vais te présenter G, Madin John Trax. Ok la famille, j'encule le monde moi aussi. Comme Monsieur Bill, ok. Po, je vous dis, hein, vous connaissez mon blaze John Trax. Ah, ça a commencé en 82. Ok, ah ouais. Sur Genève, Geneva City. Ok, Berek, ok. John Trax, John Trax, j'encule le monde, volume le monde. John Trax, Monsieur P. Qui dit Bédo sera visé au premier plan où on est déjà à soi. Je dis Bédo à tout le temps. Si t'as pas compris, va plutôt chez Philippe Duc. Moi je vois la vie en rose, plus de temps de broyer du noir. Quoi, je suis tombé dans la vodka, comme moi avec le russe. J'ai arrêté de traîner, car je m'en bats les couilles. Ta rue, attention, car je connais pas les salam à l'écoute. Moi c'est plutôt arrête les salades à l'écoute. Je définis mon rap à du Madim John Trax. Marécage en capital, gravé sur ton mur. Moi je suis plus à la mode, j'en ai rien à foutre des marques. J'en suis le monde comme ce beat. Le petit thème est bien précis comme Death. Je vis dans mon petit monde là où les claques ils traînent. Marécage street à la petite craie. Je suis passé par ta route quoi, des dizaines de fois à force de teaser le soir. Mec, ça me pète le foie. Hey, là c'est Braco Brax. Hey, freestyle deux fois, écoute le bien celui-là, écoute le bien. Braco Brax, Braco Brax, Braco Brax, c'est Braco Brax. Braco Brax, Braco Brax, Braco Brax, c'est Braco Brax. Braco Brax, Braco Brax, Braco Brax, c'est Braco Brax. Brax, Brax, Brax, Brax, Brax, Brax. Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax. Avec ma main, j'ai tout ça comme d'hab. C'est Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax. Monsieur Bill, Marécage, 1-2-0-5. Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax, c'est Braco Brax. Singel, la tête, Mad Monk, les badass, Michael, Simon. Cherche pas la sympathie quand je rêve de liberté. Que les deux tiers du monde et se faire mettre avec leur négrier. C'est Braco Brax fâché comme d'habitude. Puis de bitume canalise ma rage pour affûter mon écriture. Jamais trop loin de mes racines. Demande à Bill, nous on encule ce monde de racisme. Roule en famille sincère, sa gueule est pas saine. L'ultime appel c'est pour mes rabais. Aïe! Ah putain, désolé les gars, l'album est fini. Ah, y'a plus de titres là, y'a plus de titres, y'a que moi. Putain, Monsieur Bill, ça m'a fait plaisir. Du rap lourd, hein, des sons lourds, un mec trop lourd. Putain, les mecs, c'était Vic la star. Et hey, Monsieur Bill, costaud, merci man, merci. Maintenant je dis qu'un truc, j'attends le volume 2. Et rappelle-moi man, putain, bien c'est ça bien. Aïe! Bien c'est ça bien, aïe!